بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله تبارك وتعالى نواصل في فضل رب البرية بشرح ضرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في باب صلاة السفر أو صلاة المسافر. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prière du voyageur, ou on peut dire la prière du voyage. Donc, nous avons débuté le chapitre et nous avons vu quelques masailles. Bismillah. Avant de continuer, j'ai cinq questions à vous poser. Et vous fermez vos livres, s'il vous plaît. C'est bon? Pour voir si vous avez compris. La première question, la question aussi est dirigée à ceux qui sont en direct aussi. S'ils peuvent répondre, on va prendre leurs réponses. طيب. La première question: ما دليل القصر في القرآن وفي السنة؟ Quelle est la preuve du raccourcissement de la prière dans le Coran et la Sunna? Antazirukum. Je vous attends dans le Coran d'abord. Quelle est la preuve? Non. Dis en français, je vais voir. Non. Vous pouvez raccourcir la prière. Mais j'aurais aimé que tu me dises en arabe quel est le dalil du qasr. Elle a dit wa idha darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Voici la preuve dans le Coran. Ça va? La preuve dans le Coran, c'est ce verset qui vient dans Sourate An-Nisa, qui est la preuve du raccourcissement de la prière. Ça va? Tayyib. Et dans la Sunna, quelle est la preuve? Non. Non. Le hadith de Omar. Non. Elle a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est une sadaqa. Tayyib. Ce hadith est rapporté par c'est-à-dire le rapporteur, dans quel recueil des hadiths muslim. Quand vous écoutez les durus, c'est pas un waz, une exhortation, où vraiment on écoute, on essaie de se remonter la voix pour avancer là. Ce sont des cours. Donc vous devez mémoriser les preuves qui sont données. Ça va? Il faut mémoriser les preuves. Donc, ce qui est plus intéressant aussi, quand tu mémorises un hadith, il faut mémoriser la source. Il y a un sanad minadin. Le sanad fait partie de la religion. Là où le sanad, la qala man qala fi din. Les gens auraient dit ce qu'ils veulent dans la religion, n'est-ce pas? Il y a le hadith aussi de Aïcha. Non? Non? La prière, lorsqu'elle a été rendue obligatoire, c'était de deux rakas. Non? Sauf la prière du voyageur. Il y a aussi le hadith de. Ce hadith de Aïcha est rapporté par l'imam Bukhari, muslim. C'est Moutafakoun Ali. Ça va? Retenez ça aussi. Ensuite, il y a le hadith d'Ibn Abbas. N'est-ce pas? Qui est rapporté par l'imam muslim. Ibn Abbas dit, Allah a rendu la prière obligatoire sur la langue de son prophète. Ou de votre prophète résident, celui qui est résident, 4 à 4, celui qui est en voyage, 2 raka. Et pour la prière de la peur, 1 raka. Taïe. Car si quelqu'un vous pose la question, quelle est la preuve qui montre? Il y a quelqu'un qui pose la question ici, qui veut répondre aussi. Taïe. On t'écoute. Non. Je pose la deuxième question. Ça va? La deuxième question. Halil qasr wajibun am mustahab? وما دليل الذين يقولون بالوجوب وما الدليل الذين يقولون بالاستحباب. Est-ce que j'ai traduit la question, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que le raccourcissement de la prière pour le voyageur est une obligation ou préférable? Quelle est la preuve de ceux qui disent que c'est obligatoire? Et quelle est la preuve de ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire? Non. Abou Bakr. Ok, on attend ta preuve. Le verset. Non, j'écoute pour celui qui est en train de parler en direct. J'écoute. Vas-y, continue à voir. C'est préférable. Pourquoi? Non, il n'y a pas de mal. Ah. Maintenant, moi je suis censé, toi te crois comment? Si tu ne me donnes pas le verset et puis la source. Il y a plusieurs versets dans le Coran. Hein? La question était très claire. C'est ce que j'ai dit, non? Hein? C'est ce que j'ai dit? Oui? Voilà. Non, c'est simple. Si tu dis que c'est obligatoire, tu donnes la preuve. Si tu dis maintenant, ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, tu donnes la preuve de cela. Non? Bon, toi, tu as dit le verset. Allah dit, falaysa alaykum junah. Antaqsuru min as-salat. Quel est le hadith? Omar, qu'on a mentionné tout à l'heure. Sadaqatun. Hein? C'est une sadaqa. Tayyib. Non. Qui d'autre répond à la question? Maintenant, ceux qui disent que c'est obligatoire, quelle est la preuve qu'ils apportent? Non. Non. Non. Donc les Sahaba ont prié derrière Ousmane, n'est-ce pas? Le hadith de Ousmane est rapporté par Abu Daoud, mais la base du hadith est dans Bukhari et Muslim. Ça va? Et Ibn Masoud a prié derrière lui. Et si le fait de prier deux rakat était une obligation pour le voyageur, les sahaba n'allaient pas le suivre dans cela. Allez, c'est kadhalik? Non. Mais quelle est la preuve de ceux qui disent que c'est obligatoire? Le hadith d'Aïcha. Le hadith d'Aïcha qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aïcha dit, « Awalu ma furidatu salat al-rakatayn rakatayn fil hadari wa » Safa, en voyage et en étant résident. Maintenant, Fawqir Salat Safar, la prière de voyager est restée deux, mais la prière de résidence s'est ajoutée à quatre rakats. C'est ça? Tayyib, vous avez répondu à la deuxième question. Prochainement, une personne va prendre, il va répondre à tout. Et quand il va finir, s'il n'a pas eu, on met zéro devant son nom. On va noter pour voir. Et puis ceux qui auront les bonnes réponses auront des cadeaux. Vous avez compris? Ok. Parmi les prières, troisième question. Parmi les prières, quelles sont les prières dont il est autorisé de faire le qasr? Parmi les prières. Ah, là, on voit tout le monde lève la main. Ah. Non, Mouzeïfa. La prière? Hein? Parmi les cinq prières pour le voyageur, quelles sont les prières dont il a autorisé pour lui des raccourcis? De fin en deux rakats, deux rakats. Zohr, Asr, Isha. Il l'a trouvé? Non. Zohr, Asr, Isha. C'est bien. Voyez. La quatrième question. Mata yabdaw al-qasr lil-musafir. Quand est-ce que le raccourcissement commence pour le voyageur? Non? Non? Abou Fozan? La distance de 5 km. C'est ce qu'on a dit? Approximatif. Ah. Voilà. Ou non, quand est-ce qu'il débute le cosre? Je n'ai pas dit c'est quel voyage qui lui permet de faire le cosre. Parce que si le voyage c'est 80 km comme on a dit, à quel moment doit-il débuter de faire le cosre, le raccourcissement? À quel moment? Non? Il y a cosre. D'abord, s'il prend l'intention, et maintenant, s'il décolle avant que le soleil ne quitte le zénith, il décolle et il fait le cosre et puis le diamant devant. Ça va? Mais d'autres, ils ont dit, il commence à faire le cosre s'il atteint le barid. Le barid, c'est Nisfu Yaoum. C'est la moitié de la journée, qui est Arbatu Farasir. Yani, ce qui équivaut à 20 kilomètres. Ça va? Voilà qui n'a la couleur à Al-Mazakolna, nous avons dit, s'il a décollé. Et qu'il est déjà sorti de chez lui, alors, devant, il peut faire le qasr. Ça va? Quelque soit la distance qu'il rencontre. Madame, il a pris déjà le qasr de voyager, et arrivé devant, il peut le faire. Ça va? Ensuite, la cinquième question. Ayu safarin yubihul qasr. C'est quel voyage qui autorise le raccourcissement de la prière? C'est quel voyage? Ne donnez pas le kilomètre. Donnez nasul hadith. Naam? Un jour et une nuit. Ça va, la distance d'une journée et d'une nuit. Ok. Maintenant, les savants évaluent ça à combien de kilomètres? Non? 80 kilomètres. C'est-à-dire celui qui se déplace ici, Yamsokro, il peut faire le? Parce que ici, Yamsokro fait deux fois ou bien même? Trois fois. C'est 200 et quelques kilomètres, c'est ça? Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Yamsokro, là. Là, Youssouf, là. Youssouf, ça va combien de kilomètres? 200, 250. D'accord. Qu'Allah facilite. Bon, Toyib. Voici les cinq questions que j'avais voulu vous poser. Et nous allons continuer. Bismillah pour le reste de la prière du voyageur. Nous sommes arrêtés sur la parole du Mu'allif qui dit Ala man kharaja min baladihi qasidan lis safar. C'est ça? C'est pas là-bas? Qala al Mu'allif idha qama bi baladin mutaraddidan. C'est ça? قصر إلى عشرين يوما ثم يتم. C'est ça? C'est là-bas? Ok, ici. L'auteur du livre, l'imam Shawkani, il dit, s'il arrive dans un pays, ou bien dans une ville, hésitant, il est arrivé, mais il hésite. Ça va? Par exemple, il allait pour quelque chose, mais il n'a pas pris la décision de faire tel nombre de jours. Ça va? Parce que celui qui a pris la décision de faire tel nombre de jours, ils ont un jugement aussi qu'ils donnent pour celui-là. Ça va? Par exemple, je voyage, je vais à Boaké, par exemple. Mais je compte aller à Boaké pour 10 jours. Et ma décision, je n'hésite même pas, je dois obligatoirement faire 10 jours. Celui-là, son jugement, avec celui qui allait à Boaké pour quelque chose. Il attend quelqu'un. Si la personne vient aujourd'hui, il se retourne. Si la personne vient demain, il se retourne. Si la personne vient après demain, il se retourne. C'est-à-dire que wa mutaraddid. Donc, les savants disent que celui-là, tant qu'il est mutaraddid, il fait le qasr pendant 20 jours. Et ensuite, maintenant, il complète. Ce qui est au-dessus de 20 jours. Mais nous vous donnons les massages des savants et nous allons vous dire ce qui est قول راجح سواء بس قال الإمام شوقاني حديث سيتي متردد نبا في لا ديسيجن دي ريستي alors ce moment qu'est-ce que tu fais? Tu fais le cross jusqu'à 20 jours. Ça va? Mais pas rester pour toujours. C'est-à-dire, tu n'as pas pris la décision de faire un nombre de jours fixe. Là, tu fais le cross en attendant celui que tu attends pendant 20 jours. Au-dessus de 20 jours, tu complètes maintenant. Donc ici, le cheikh Ali Ramli dit, « Yuridu anna man baqiya mutaraddidam » Celui qui est resté quelque part hésitant, walam ya'zim al-iqama fi baladin, il n'a pas pris une résolution de rester dans un pays baladin ma muddatan muayyana, dans un délai bien connu. Il n'a pas pris la décision de rester un délai bien connu ba'da an safara ilayha, après avoir voyagé pour aller vers ce pays là. Donc fa innahu yabqa, il reste ويقصر أو يقصر إلى 20 يوما يراكوسي jusqu'à 20 jours ثم يتم ensuite il complète. أخذ هذا العدد le tas de livres et la majorité des savants ont pris ce nombre de jours là من أن النبي صلى الله عليه وسلم par le fait que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أقام بتابوك il est resté à تابوك 20 laylatan yuqassir as-salah. Ça va? Il est resté à Tabouk pendant 40 jours. Et afin, pendant 20 jours, en train de raccourcir la prière. À Tabouk, là-bas, qu'est-ce qu'il attendait? Est-ce qu'il était resté dans des jours bien déterminés là? Il attendait. Ça va? Toyib. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad Abu Daoud d'après Jabir bin Abdullah. Walakin hadha le cheikh Ali Ramli dit mais la yadullu ala tahdid. Ça ne montre pas ici le nombre précis. C'est pas le dalil du nombre précis. Pourquoi? Li annana la nadri, parce que nous on ne sait pas. In baqiya akthar min zalika hal sayaksur am sayutim. Que s'il restait plus de 20 jours, est-ce qu'il va continuer à raccourcir ou bien il va compléter? Il a resté seulement que 20 jours, il attendait quelque chose. Quand c'est fini, il est retourné. Donc, est-ce que le nombre de 20 jours qu'il a fait, c'est ce qu'est le tahdi? C'est ce qui précise les 20 jours qu'on a dit? Donc, le cheikh Ali Ramli dit, wal masala tu fiha khilaf. Dans la masala, il y a une divergence, baina ahli al-ilm, entre les savants. Wa sahih. Mais ce qui est authentique, anna al-musafir musafir. Le voyageur est voyageur, ma lam yanwi wahida min amrein. Tant qu'il n'a pas pris la décision de ces deux choses que nous avons citées. Tant qu'il n'a pas pris la décision, iqamatul mutlaq, de résister de façon absolue et de ne plus quitter la ville. Ça va? Iqamatul mutlaq, c'est-à-dire de résider. Wa hiya an yanwiya al-iqamat fi al-balad alladhi nazala. Il veut résider dans le pays où il est descendu. Duna an yuqayyida iqamatan bi zamanin aw bi amal. Sans restreindre, yani le fait qu'il va rester dans ce pays-là par un temps ou bien un travail. Car, Sufara il Buldan, hein, on peut dire Sifara aussi, c'est-à-dire les ambassadeurs. Ça va? Les ambassadeurs des pays, quand ils vont. Ils vont pour résider tant que ils sont là-bas, n'est-ce pas? Donc, s'il n'a pas pris la décision d'être dans ce cas-là, il est toujours voyageur. Deuxièmement, al-istitana. Al-istitana, c'est quoi? Wa an yanwi. Qui prend la décision? An yattakhid al-balad alladhi nazala watanan lahu. qui prend la décision de prendre le pays où il est arrivé comme un pays maintenant pour lui. Et il n'a pas de décision, il n'a pas d'intention de sortir même dans ce pays-là. Ça va? Mais tant qu'il n'a pas pris ses deux intentions, il est toujours voyageur. Ça va? Non. De revenir. Ici, il est toujours voyageur tant qu'il n'a pas pris la décision de résider dans le pays. Iqamatul mutlaq. Ça va? Qui est le fait que il prend l'intention de rester dans ce pays où il est arrivé sans restreindre cela par un temps ou bien un travail. Ça va? Donc, il a donné l'exemple des ambassadeurs. C'est compris? Maintenant, al-istitana, non? Je suis en train de clarifier, non? C'est ce qu'on a dit. Comment tu comprends pas? Il n'a pas pris la décision de rester pour un temps ou un travail. S'il a pris la décision de rester pour un travail, en ce moment, il ne rentre pas dans ce qu'on a dit. C'est Iqamatul mutlaq. D'autres vont se poser la question, mais les ambassadeurs sont là-bas pour le travail. Seulement que l'ambassadeur, même s'il est là-bas pour le travail, tant qu'on ne l'a pas enlevé en tant qu'ambassadeur, d'autres même peuvent mourir là-bas. N'est-ce pas? Donc, eux sont considérés comme des gens qui sont dans Iqamatul mutlaq. Vous comprenez? Mais celui qui est, par exemple, dans Iqama, qui va dans un pays pour travailler, ça va? Ou bien pour étudier, ou bien pour faire d'autres choses, mais il a l'intention de revenir dans son pays, il est considéré toujours comme un voyageur. Hein? Mais deuxième, c'est pas confus. Est-ce que c'est confus? Hein? Word. Ici, comprends. Al-Musafir, Musafir. Ba'alam yanwi. Tant qu'il n'a pas pris l'intention de ces deux choses. Premier, Iqamatul Mutlaq. C'est-à-dire, s'il n'a pas pris l'intention de résider dans le pays de façon absolue, sans aucune restriction, alors il est toujours voyageur. Mais tant qu'une restriction est là, il n'est plus voyageur, Afwan. Mais tant qu'il y a une restriction qui est là, il est considéré toujours comme un voyageur. Est-ce que tu comprends? Il restreint par le travail. Il est considéré comme un voyageur parce qu'il n'est pas résident. C'est compris? Il restreint par un temps. Il dit par exemple, je suis venu faire 2 mois dans tel pays. Mais je dois retourner ces deux juste pour 2 mois. Il est considéré comme quoi? Résident ou voyageur? Voyageur. Il allait étudier dans un pays. Il est considéré comme résident ou voyageur? Voyageur. Ça va? Maintenant, le deuxième, c'est al-istitana. Le fait même qu'il va dans ce pays, et il veut prendre maintenant ce pays comme son pays à lui, et il ne veut plus quitter dans le pays. C'est compris? Donc, maintenant qu'il n'y a pas ces deux choses-là, il est considéré comme un voyageur. C'est compris? Pour plus de clarification, tu me dis, par exemple, un frère qui est ici, il va dans un pays pour aller étudier. Ça va? Son intention, c'est d'aller étudier puis revenir. Donc, quel que soit le temps qu'il va faire là-bas, il est considéré comme voyageur. Souvent, vu qu'il y a un climat, mais il est considéré comme voyageur. C'est l'étonnement, sinon, il est considéré comme voyageur. Taïm. Hein? Voilà. Mais maintenant, nos frères qui vont. Voilà. Qui vont dans. À l'aventure pour aller chercher l'argent. Quelle est l'intention qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont l'intention de revenir? Non. La majorité, c'est d'aller gagner une meilleure vie. Et même se chercher à rester là-bas. Il n'a pas l'intention de venir. S'il avait l'intention de venir là, si on lui donne transport, on lui rapatrie, il va être content. Non, mais là, il n'a pas encore l'argent qu'il voudrait. Ici, il n'a pas l'argent qu'il voudrait. Ici, il n'a pas l'argent. Il allait se chercher. Quand il dit qu'il allait se chercher, il allait chercher l'argent. Il allait vivre. Il cherche une meilleure vie. Est-ce que lui rentre dans le cas du voyageur? Non. Il n'a pas l'espoir de revenir. Même s'il revient là, c'est pour nous faire 2 jours puis se retourner. Ou bien? Tant qu'on l'a pas rapatrié, il ne va pas quitter là-bas. Oh, laisse ça. En Afrique, ici, là, on se connaît. Celui qui va là-bas, arriver là-bas, là. En tout cas, sauf si on l'a rapatrié. Sinon, elle est là-bas. Hein? Non. Dans le sens d'avant, il doit continuer, il doit faire maintenant le itmam. Si j'ai une intention nette, il fait le itmam. Il est considéré maintenant comme un résident. Mais tant qu'il a l'intention de revenir, il est considéré comme un voyageur. Ça va? La masala est claire. Hein? Ah. Ah. Tant que tu n'as pas pris un asthme de dire que tu reviens, tu n'es pas considéré comme un voyageur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'a pas la main à l'oubi. Si tu es moutaradid, ça va? Toyib. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa idha azama ila iqamatin arba'in atamma ba'daha. Si maintenant, il a pris la décision de rester dans un pays. Là, il n'est pas moutaradid. Il n'est pas hésitant. Il a pris la décision de rester quelque part pendant 4 jours. Alors, il fait le qasr pendant ces 4 jours. Et maintenant, après les 4 jours, il complète. Là, c'est pas. On est toujours dans la masala de la parole du cheikh. Ça va? Le cheikh, premièrement, le cheikh Shaukani. Premièrement, il a dit quoi? Celui qui est hésitant, il fait 20 jours. N'est-ce pas? Mais celui qui n'est pas hésitant, qui est allé dans un pays pour rester là-bas pendant quelques jours, il fait 4 jours, hein, raccourcissant, et les autres jours maintenant, il fait le itmam. Ça va? Fil masala tisabiqa, dans la masala précédente, kanat mutaraddidan. Il était hésitant. Ici, il n'y a pas d'hésitation. Ça va? Voici la différence entre les deux. Entre le fait de prendre la résolution de rester pendant un nombre de jours, ou bien d'être hésitant. C'est-à-dire, tu es là pour quelque chose. Dès que la chose se règle, tu t'en vas. Ça, c'est l'hésitation. Mais celui qui est là pour faire quelques nombres de jours, alors, celui-là a pris la décision de le faire. Donc, selon le mu'allif ici, il doit faire 4 jours en raccourcissant maintenant les autres jours maintenant et complète. Quelle est la preuve? Yastadilluna lizalika, ils argumentent par cela, de cela, en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qadima Makkah fi hajjati al-wada. Il alla à Makkah dans son hajj d'adieu, wa qama fi Makkah arba'at ayyam. Il est resté à Makkah 4 jours, yukassir as-salat. En train de raccourcir la prière sur Maharaja. Ensuite, il est sorti. Ça va? Wa kana alayhi salatu wa salam qad azama la liqama fi makkati arba'at ayyam. Il a pris la décision de rester à Makkah 4 jours. لأنه قدم إلى الحج كي إلى علي dans le Hajj ولا ينصرف قبل الحج. Il ne va pas quitter Mecca avant le Hajj. Alors que le Hajj c'est Arafah. Après le Arafah, يوم النهر. Ça va? طيب. Ici, la preuve, c'est quoi? Le Hajj, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4 jours de façon, il a pris la résolution. Pendant que l'autre, dans la bataille de Tabouk, il n'a pas pris la résolution. Vous comprenez? Donc ici, maintenant, ils disent que si tu as pris la résolution, tu fais 4 jours de Qasr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 4 jours, puis moi aussi, le Hajj. Pendant le Hajj. Mais dans la bataille de Tabouk, il n'a pas fait. Il n'a pas pris la résolution. Dans les 20 jours, l'ont trouvé pendant qu'il était Moutarad Didan, hésitant. Mais le Cheikh Ali Rami dit wa hadha dalil la yasluhu lil istidlal bihi. Ce dalil-là, la yasluhu lil istidlal, ne convient pas comme argument de ce qui a été mentionné. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع. Quand le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est allé à Mecca le quatrième jour de Zulhijjah, ittifaqan, par le consensus. وبقي فيها الرابع, il est resté quatrième jour, والخامس, cinquième, والسادس, sixième, والسابع, et septième. وصلى الصبح في يوم الثامن, il a prié الصبح le huitième jour, summa kharaja ila Mina. Ensuite, il est sorti pour aller à Mina. Mais le cheikh dit Fama adrana. Qu'est-ce qui nous fait savoir que annahu law qadima fi yawm al-thalith, s'il était parti le troisième jour de Zulhijja ou bien le deuxième jour, est-ce qu'il allait compléter après les quatre jours? Il est parti le quatrième jour. Et s'il partait le deuxième jour? Hein? On ne sait pas. N'est-ce pas? Donc, Fama Hasala ittifaqan, c'est donc il y a eu consensus de ce qu'il est parti le quatrième jour. Alors, la yaslu an yastadalla bihi. Ce n'est pas correct qu'on utilise ça comme argument. Mafoum? Fassawab, ce qui est authentique, ma zakarna sabiqan. C'est ce que nous avons mentionné précédemment. Qui est quoi? Yukassir. Il raccourcit ma lam yanwi l'iqamat al-mutlaq. Tant qu'il n'a pas pris l'intention de rester, de résider de façon absolue à l'istitara ou bien de prendre ce pays-là même comme ce pays, wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Voici la masala. Non? Non? Ah. Ah. Quelqu'un qui a pris la décision de rester dans un pays. Ah. Il a pris la décision de rester. Donc, il continue à faire. Hein? Il complète, n'est-ce pas? Et puis maintenant, subitement, il change d'intention. Est-ce qu'il doit faire le qasr là? Parce qu'il n'a pas quitté là-bas son balade avec l'intention du safar. Ça va? Il n'a pas quitté le balad avec l'intention du safar. Mais il est allé là-bas avec l'intention de résider. Donc, tant qu'il est là-bas, il est considéré comme résident. À moins que maintenant il quitte là-bas, il arrive dans son balad, il est aussi résident là-bas. Tant qu'il a pris l'intention. Non. Hein? Non, si tu es déjà à la maison, tu ne raccourcis pas. Tu complètes. Hein? Faut faire comme moi et puis à Boufouzad. On est quitté en voyage. Il dit, j'ai dit à Boufouzad, il dit, hey, toi là, si on arrive à la maison, on va compléter. Hein? Non, on n'a qu'à raccourcir en route en même temps. Hein? Donc, arrivé en route quelque part là-bas, on a raccourci. Et sinon, si on arrive à la maison, tu vois, parce qu'on est fatigué là. C'était Maghrib et Bicha. Donc, on a raccourci et puis on a fait le diamant. Ça va? Non. Mais dès que tu rentres à la maison, tu ne dois plus raccourcir. Non. Quel hadith? Concernant le Hajj, le hadith qu'ils ont pris pour argument, c'est rapporté par l'imam Bukhari. Non, non. C'est pas ce hadith là. Hein? Ça n'a pas été mentionné, mais je crois que le hadith se trouve dans Bukhari. Non, c'est ça. Toyib. قال المؤلف رحمه الله لو ده ليف ادي كي الامام شوقاني ادي وله الجمع وله c'est-à-dire il peut faire le jam' taqdiman devançant le jam' wa ta'khiran ou bien retardant le jam' mais s'il fait le jam' il fait un seul azan et deux iqama bi azanin wa iqamatayn. Un azan et puis deux iqama. Ça va? Une iqama pour chaque prière. Mais un azan pour les deux prières. Ça va? T'as pas compris? C'est wordé. C'est la partie du jam au fait. Les gens. Je sais pas si il arrive à la destination. Est-ce qu'il peut faire jam des deux prières? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? S'il arrive à la destination du voyage, oui, il n'y a pas de problème. Même s'il a la destination, tant qu'il est voyageur, il est autorisé de faire le jam. Ça va? Il y a un khilaf où les savants disent que c'est quand il y a une mashaqqa, il peut faire le jam. Mais le jam est autorisé pour le voyageur. Dans tout son voyage. Ça va? Non, parce qu'il n'y a pas de restriction. Le diamant est une facilité pour le voyageur. Tayyib? Naam. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rahala, lorsqu'il bougeait, qabla an tazigh ash-shams, avant que le soleil ne quitte le zénith, akhara dhuhr. Il retardait zuhr, il a waqt al-asr. Parce que s'il décolle, et que le moment de zuhr n'est pas encore arrivé, il ne peut pas le prier. Donc, du coup, il s'en va. Il retarde le jour jusqu'au moment de Asr. Et qu'est-ce qu'il fait? Summa nazala fajama bainahuma. Ensuite, il descend et il rassemble entre les deux prières. Faida zarat. Mais si le soleil quitte le zénith, c'est-à-dire le waqt de jour rentre, qabla an yartahil, avant qu'il ne bouge, solla zuhr. Il prie zuhr. Summa rakiba. Ensuite, il montait sur sa monture. Muttafaqun alayh. Donc ici, nous avons le dalil de quoi? De jamu ta'khir. N'est-ce pas? Il a dit que s'il bouge avant que le soleil ne quitte le zénith, donc ça veut dire que le moment où il a bougé, peut-être à 11 heures, il n'est pas l'heure de là, de prière de zuhr. Donc, il s'en va, il retarde maintenant la prière de zuhr jusqu'à Asr. Et maintenant, il prie les deux ensemble. Ça va? وفي حديث معاذ dans le hadith de Muaz, ce hadith que nous avons mentionné rapporté par Bukhari et Muslim, et c'est le hadith de Anas. Maintenant le hadith de Muaz, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تابوك, il était dans la bataille de Tabuk, إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس, s'il bouge avant que le soleil ne quitte le zénith, أخر الظهر, il retardait le jour, حتى يجمع ha ila al-asr yusallihima jami'an, il les rassemble l'asr et les prie les deux. Wa zartaha la bada zayr ash-shams, mais s'il bougeait après que le soleil soit descendu au zénith, ça veut dire que le moment du jour est arrivé, salla al-dhuhr wa al-asr jami'an thumma sara, il priait zuhr et asr ensemble et ensuite il partait. Ça c'est lorsqu'il était en voyage. Ça va? Parce qu'ici, il est dit, Roswatu, Tabouk. Ça va? Mais ici, s'il n'est pas en voyage, qui doit décoller, il ne fait pas le Djamou là où il décolle. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait pas le Djamou là où il décolle de chez lui à la maison. C'est-à-dire, on a vu déjà qu'il peut commencer à faire le Qasr, et s'il veut maintenant le Djamou, dès qu'il a atteint ce qu'on a dit tout à l'heure, Ishrina, Kilometra, ou bien moins que cela. C'est compris? Toyib. Voilà, fille, Jamu Takdim wa Ta'khir. Ici, on a le Jamu qu'on devance ou bien qu'on retarde. Fakulluhu Ja'iz, tous les deux sont permis. Wa fi ahadis n'okhra, il y a d'autres hadiths. Amma qawluhu bi azanin wa iqamatein. Quant à sa parole, avec un seul azan et deux iqamah. Fayani yu'azzin azanan wahidan. Il fait un seul azan li solatein, pour les deux prières. ويقيم إقامتين لكل واحدة إقامة. إذا دو إقامة شري شاك بريء إن إقامة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم de ceux qui est venu authentique dans صحيح مسلم du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم في صفة حجه dans la description de son hajj صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. Du hadith de Jabir قال ثم أذن. Il a dit ensuite, il a fait le azan, summa aqama fa salla zuhr, il a prié zuhr, summa aqama fa salla l'asr. Ensuite, il a fait l'iqama, il a prié asr. Wa lam yusalli baynahuma shay'an. Il n'a pas fait d'autres prières entre les deux, c'est-à-dire nawafil et autres. Wa qala hatta ata al-muzdalifa, jusqu'à ce qu'il arrive à Muzdalifa fa salla biha al-maghrib wa l'isha. Il a prié maghrib et isha ensemble bi azanin wahid. Avec un seul azan wa iqamatain. Avec deux iqama, wa lam yusabbih baynahuma shay. Il n'a pas fait de tasbih entre les deux. Ça va? Donc à cela, nous avons fini. Salat al-musafir. Salat al-musafir. Donc, le prochain bab, inshallah, nous allons entrer dans Salat al-kusufay. Kusuf wal-khusuf. Khusuf. D'autres disent khusuf pour la lune, khusuf pour le soleil. D'autres aussi inverse. Khusuf pour la lune, khusuf pour le soleil. Lakin, ils ont le même sens. Les prières de l'éclipse. Ça va? C'est le prochain chapitre que nous allons voir, Inch'Allah. Et j'espère qu'on puisse voir cela après. Al-Hajj al-Akbar. Ça va? Après. Car la semaine prochaine, Inch'Allah, il se peut que on fasse court, mais on va beaucoup détailler la sifa des Udhiyya et de tout ce qui concerne le Yawmu Nahar, le Hajj, les Ahkam qui sont autour de cela. Surtout même sifa de la bête. Hein? Bismillah. Si Allah nous accorde la santé. Naam. Il y a des questions? Abou Abdurrahman, tu as compris? Ah. Attends, je vais prendre la question de quelqu'un ici. Naam, Abdel Karim. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Abou, j'avais une question quoi. Je vais poser la question. Naam. Salam wa rahmatoullahi wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Une question là qui n'est pas trop en lien avec le coup quoi. Oui. En fait, le vieux décédé, comme vous le savez. C'était par rapport à la période de vivant de ma maman. Ah. En fait, il a décidé, c'était le 20 du mois lunaire. Non. Maintenant, c'est pas. Est-ce que le 10 jours restants, ça compte on compte ça comme un mois, ou bien on compte ça du 20 au 20 du prochain mois comme un mois? Puisqu'elle est déjà en âge en passé. Non. Ici, le jour où il est décédé, c'est quand? Le 20. Non, c'était le 20 du mois lunaire. Donc, comme Allah a dit, elles doivent attendre 4 mois et 10 jours. Il faut compter cela de façon textuelle, selon la charia. On ne considère pas 10 jours comme un mois, ou bien 20 jours comme un mois. Si c'est du 20 au 20, ça fait un mois. C'est compris? Du 20 au 20, ça fait un mois et tu ajoutes maintenant 10 jours. Ok? C'est comme ça qu'il doit calculer. Non. Wayakum barakallahu fik. Non. Abou Abdirahman. Il doit rembourser. C'est obligatoire. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. S'il a prié, prié de jour à 11 heures, il n'est pas là le jour. Il rembourse. Hein? Si c'est après qu'il a prié, dans une heure qui n'est pas l'heure de la prière, il rembourse la prière. Hein? Comment? Oui, il rembourse. Il rembourse. Ça, c'est lorsqu'il il a fait une erreur de qiyas. Mais d'autres savants disent, si ce n'est pas une erreur de qiyas même, il n'a pas le droit de rembourser. Il rentre dans celui qui a raté sciemment une prière. Et on a vu le jugement ici. Celui qui a raté sciemment une prière doit se repentir. Ça va? Que la facilite. Ok, wa sallallahu. Nam. Nam. Oui, normalement, on avait déjà vu cette masala dans Nawakil Islam, le Cheikh Salah Al-Fawzan, n'est-ce pas? Non, il se répand, mais il n'a pas à revenir sur la Shahada. Il se répand. Ça va? Parce qu'il n'y a pas de Shahada pour celui qui est déjà musulman. C'est compris? Parce que d'autres disent que s'il sort automatiquement de l'islam, il doit revenir encore faire la shahada. D'autres savants vont suivre cela. Mais d'autres savants disent que s'il a fait un acte de kufr, il se répand. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hadith qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un, par exemple ceux qui ont apostasié, « Waladi kod kafartum ba ila imanikum » Ça va? Allah a pardonné certaines personnes parmi eux. Comme il a dit, wa inna afu, si on pardonne, on va châtier d'autres groupes. Donc cela montre que Allah a pardonné d'autres qui se sont repentis directement, ils ont été pardonnés. Mais ce n'est pas venu dans un test où ils sont revenus prendre la shahada encore. Ou bien ils ont donné une autre shahada. Ça va? Mais il se repent et revient à Allah subhanahu wa ta'ala. بين هو بين الله نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب